Je te propose une minute trente de tristesse. Le couteau près de la veine, ce sera vite F. L'homme est un animal, la part du gain, les motifs tous. Y'a des gens qui souffrent, y'a des gens qui se bouffent comme des cannibales. Les dirigeants du monde aiment quand le calibre parle. Je caresse pas dans le sens du poil, qu'on me câline pas. De la tristesse, là je rate dans le bail. Ouais, t'imagines pas, lieux j'égorge de larmes. Ouais, je pense aux proches qui partent. Mon vieux, faut que je bouge de là, m'éloigner des stigmates. Je parle de la tristesse, c'est là que j'éprouve seul dans mon lit. Y'a des trucs qui me blessent quand je vois ma rhum sous la midi. Un peu schizo dans ma tête, y'a pas qu'un seul homme. Ouais, je suis insolent. Et pour faire taire ce qui m'obsède, c'est au seum, ouais, que je me dégomme. Et dans ma forme toute maigre, y'a un peu de wallon, plein de bruxellois. Je suis pas le genre de mec qui t'allonge avec une seule droite. Perso, c'est pas trop le kiff, la garbaga. Yo, mais si tu touches à la mif, ouais, gars, à toi. J'essaie de combler le vide, j'ai des pensées morbides. Faut que je laisse tomber le vice, j'ai dépensé trop de fric. Ils font ce qu'ils ont envie, moi je radote mes sottises. Je vais me noyer dans la tise, t'inquiète, ça c'est de famille. J'aimerais voir ma vie défiler quand je serai au bord du gouffre. Pouvoir la savourer car j'y ai perdu le goût. J'ai fait des erreurs, à m'en bouffer la main. Des regrets rongeurs au niveau féminin. La tristesse est réelle, pas de larmes de crocodile. Des faiblesses, des séquelles, voilà ce qui s'est agrandi.